pour rester sur l'économie. Je m'appelle Mathieu, je suis sociétaire de la NEF, qui est une coopérative de finances éthiques. Donc, en tant que sociétaire, le but c'est de trouver un maximum d'épargnants et surtout d'emprunteurs potentiels, parce qu'il y a énormément d'argent à la NEF. Mais la vraie question c'est de financer des projets, donc on appelle tout le monde ici à se proposer, à relier les potentiels emprunteurs vers les sociétaires de la NEF. Et la NEF, notamment, elle fonctionne sur le sociétariat, c'est-à-dire que c'est un homme, une voix, et pas en fonction du capital qu'on met dans la banque, qu'on peut peser sur les décisions. Et l'autre point, c'est qu'elle finance des projets écologiques, sociaux et culturels, et qu'elle est tout à fait transparente. Et donc tous les ans, sur son site et sur des petits livrets comme celui que vous pouvez trouver là-bas, elle publie l'intégralité des prêts et des projets qu'elle a financés. Donc vous pouvez savoir à quoi sert votre argent.